Livre 1, extrait du poème 7. Réponse à un acte d'accusation. Je n'ai gardé qu'une infime partie de ce long poème, écrit en 1854. On y retrouve en effet la verve satirique que déployait à cette époque Victor Hugo contre Napoléon III, dans le recueil des châtiments, largement présenté dans un autre fichier, sous son titre. Dans ce poème des contemplations, Victor Hugo répond à une lettre pamphlet écrite par un membre de l'Académie française en 1834. Dans le même esprit, on trouve ailleurs dans les contemplations ce vers souvent cité « J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin ».